Bonjour à tous. Aujourd'hui, mousseline de truite de Vercors aux épinards pour 4 personnes. 4 truites sans peau ni arêtes, bien garder les arêtes. 3 œufs, 15 cl de crème entière très froide, 150 g de petits épinards, 10 cl d'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous faites votre fumée de poisson, les arêtes, une carotte, un petit oignon clouté, un bouquet garni, un peu de vin blanc, de l'eau à hauteur, cuisson 20 minutes au frémissement, filtré, réservé. Hachez finement la chair des truites, ajoutez 50 g de beurre mou plus un œuf à 1. Bien mélangé, laissez durcir au frigo. Montez la crème en chantilly, l'incorporez à l'appareil précédent. Remplir des ramequins beurrés, cuisson bain-marie 170 degrés 30 minutes. Pendant ce temps, réduire un quart de vin blanc, échalote hachée, ajouter le fumet, réduire d'un tiers, crémer, réduire à nouveau d'un tiers, plus jus de citron et mettre au point. Faire sauter les épinards à feu vif et les assaisonner. Les dresser au fond des assiettes, ajouter les mousselines par-dessus et napper de sauce. Un petit vin conseillé, un mareuil vendéen blanc à boire avec modération.